Venez vivre l'expérience du 34e FIMAV. Achetez des billets et informez-vous sur le fimav.qc.ca. Vous aimez le groupe The War on Drugs? Du 11 au 17 mai, suivez la page Facebook de CKRL et partagez le visuel du groupe The War on Drugs au FEC. Courez la chance de gagner une paire de laissez-passer VIP pour le spectacle du 8 juillet. Les participants seront éligibles au tirage final en ouverture de l'émission Jamais comme tout le monde au Sacrilège le 23 mai prochain. Bonne chance! Ce soir, à l'aérospatiale, l'exposition des finissantes et des finissantes du bac en art à l'École d'art, Olivier Moisan Dufour expose au roulement à billes et Gabriel Bélanger présente le projet Nuit à Pêche Sherpa. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les ondes de CKRL à Québec, donc consacré aux arts visuels. J'en tiens la France avec vous ce soir. J'ai avec moi en studio Andréane Lesage et Anne Plourde. Bonsoir les filles. Bonsoir. Donc, je vous ai invité, en fait, c'est Andréane qui s'est proposée pour venir parler de l'exposition des finissantes et des finissantes du bac en arts visuels et médiatiques de l'École d'art de l'Université Laval. Donc, cette exposition qui s'appelle Art Corps, donc pour faire un peu un homonyme à l'expression anglaise hardcore. Pouvez-vous d'abord me dire d'où est venue l'idée du titre, Anne? Le titre, c'est quelque chose qui a été très difficile à déterminer parce que comme c'est une exposition définissante d'une école d'art au complet, on a tous des pratiques très diverses, puis on n'avait pas envie d'avoir un thème qui nous restreigne quoi que ce soit du genre. Donc on a cherché longtemps un titre, puis en fait ça a découlé de ce qu'on a choisi pour être la couverture de notre catalogue et puis notre affiche qui est notre table d'atelier, ce qu'on a finalement tous en commun à l'école. Donc, c'est son esthétique qu'on a joué avec le mot « hardcore », découlé « hardcore », on a francisé un peu. Donc, ça fait aussi un homophone avec « art » et le mot « corps », C-O-R-P-S. On aimait bien jouer là-dessus parce que là, effectivement, ça s'écrit « A-R-T-C-O-R-E », « hardcore ». Donc, Andréane Lesage, tu es co-commissaire avec Suzy Dufour. Donc, il y a deux voix connues ici à l'aérospatiale. Vous avez fait des chroniques pendant plusieurs années avec nous. Vous en faites encore parfois. Et comment s'est passé ce commissariat-là? Comment s'est passée cette rencontre entre vous deux et les étudiants au bac à l'École d'art? En fait, nous, on est vraiment des commissaires invités, c'est-à-dire que c'est vraiment un projet qui est construit là, de A à Z par les étudiants. Comme Anne le mentionnait, c'est des pratiques qui sont très diverses. C'est eux qui choisissent les œuvres aussi qu'ils vont présenter. Donc, nous, notre rôle était vraiment d'être là pour suggérer une mise en espace, suggérer aussi des façons d'accrocher tout ça, ce qui s'en vient, là, puisqu'on est... en fait, ils entrent là, dans la phase de montage bientôt. Mais on est vraiment en retrait du projet parce que c'est eux qui ont eu à gérer, en fait, toutes sortes de choses, là, entre autres tous les à côté dont on va parler aussi, catalogue, ensuite levée de fonds, recherche de commanditaires, tout ça. Donc, c'est vraiment leur projet, puis nous, on est là en accompagnement, en soutien, un regard externe finalement là, sur leur projet. Donc, un regard de consultante en quelque sorte. Exact, oui, mm-hmm. Oui, tout à fait. Et donc, cette exposition-là, où est-ce qu'elle va avoir lieu cette année? On va la faire dans notre école qui nous a généreusement laissé occuper ses locaux. Donc, on va investir une partie de 2 étages, le 3e étage et le 4e étage de l'édifice de la fabrique, donc au 295 boulevard Charest-Est, qui est aussi justement l'école d'art. Donc, on est en train de transformer ça pour que ça puisse accueillir notre expo. C'est assez intéressant justement de mentionner là, l'ampleur du projet parce que il y a des locaux qui sont utilisés pour les cours puis aussi pour leurs ateliers. Mm-hmm. Donc ça, en fait, ça implique qu'il faut sortir tout le matériel qui est là, refaire des murs, faire carrément des nouveaux murs aussi pour la séparation des espaces. Et ça, c'est tous les étudiants qui gèrent ça. Donc c'est vraiment un travail phénoménal en très peu de temps parce que la session s'achève là, mais donc il y a quand même beaucoup de choses à faire là. Donc beaucoup d'énergie à mettre et oui. Quelques nuits blanches en vue, j'imagine. Des nuits, je sais pas. C'est sûr qu'on met, on met beaucoup de notre temps. On essaie d'avoir un plan aussi efficace que possible, mais il y a des petites choses à la dernière minute. On se rend compte, on avait oublié de mettre du temps là-dessus, là, puis des petits dossiers, mais on va y arriver, on va y arriver, on va être prêt. Mais vous êtes quand même une vingtaine d'étudiants à terminer cette année. 21. Ouais. Et donc beaucoup de mains, de têtes qui participent au projet. Et on en parlait un peu hors d'onde avant l'émission. Il y a une belle complémentarité aussi qui s'est installée dans ce groupe, dans cette cohorte de finissants-là. Oui, ben c'est sûr qu'on essaie de mettre en valeur les compétences de chacun, là, de ceux qui s'impliquent. Il y en a qui sont très habiles menuiserie, d'autres qui vont avoir plus de contacts pour aller chercher du financement, d'autres qui ont des bonnes capacités. On a un site web super qui a été un finissant, s'est occupé de ça, d'autres. Quelqu'un d'autre a fait nos photos. Ouais. Donc, un projet vraiment, Andréane Lesage, tu parlais vraiment d'autonomie, donc on est vraiment dans l'autogestion. Là. Oui, totalement. En fait, c'est comme un dernier exercice dans leur parcours universitaire, là, de dire on est capable, en fait, de monter de A à Z, justement, un événement de cette ampleur-là. Puis, c'est même très professionnel dans la démarche. On a mentionné le catalogue tout à l'heure, qui va être disponible, d'ailleurs, là, le soir du vernissage, le 17 mai, et aussi auprès des finissants, là, par la suite. Donc, il y a vraiment un travail colossal, là, au niveau de la rédaction de leur démarche, au niveau de la présentation de tout ça. C'est eux aussi qui ont fait le communiqué de presse, qui vont aller justement chercher l'attention médiatique aussi autour de l'événement. Donc, vraiment, c'est ça augure très bien, en fait, pour leur carrière là, artistique par la suite. Et donc, on parlait de levée de fonds tout à l'heure, Anne Plourde. Comment s'est déroulée cette levée de fonds-là? Parce que c'est pas toujours évident d'aller chercher des sous pour des étudiants, pour le domaine des arts, de la culture. Comment s'est déroulée la levée de fonds pour financer ce projet-là de l'exposition des étudiants en arts visuels de l'École d'art? On commence, nous, à travailler à ce projet-là dès septembre-octobre, donc à la rentrée d'automne. Puis, dès ce moment-là, on se préoccupe d'aller chercher du financement. En fait, il y a toutes sortes de choses, bon, des événements qu'on a fait nous-mêmes, la foire d'art, une friperie, on a fait des sacs réutilisables qu'on a vendus, mais à un moment, pour nous cette année, on a trouvé un commanditaire qu'on appelle notre commanditaire principal, en fait la maison Simons, avec qui on a fait un super beau projet. Ils nous ont pris des images pour faire une présentation en vitrine dans leur magasin sur la rue Saint-Jean. Donc ça, c'est une primeur. C'est la première fois qu'il y a cette collaboration-là qui se fait avec Oui, à ma connaissance, je pense qu'il y a quelque chose avec l'école d'architecture. Il y a un autre type d'entente, là, mais pour nous, avec l'école d'art, c'était la première fois. Puis je prendrai l'occasion pour nommer nos autres commanditaires parce que quand même, sans eux, ça serait pas possible. Donc, ben c'est sûr qu'on a le soutien. On disait que c'était très autonome, mais on a quand même un beau soutien de la part de notre école, l'Université Laval. Ensuite, dans nos commanditaires importants, il y a la financière Banque nationale, Provencher d'amour, conseiller en placement, Inter le lieu, qui est aussi un partenaire donateur pour les prix bourses aux finissants, dont font également partie Louis Garneau, le prix René Richard et prix La Vigie de la Fondation de l'Université Laval, le prix Suzy Houde, première ovation, Avatar, Engramme, La Bande Vidéo, La Chambre Blanche, Folie Culture, L'Œil de Poisson et Vue Photo. Donc, c'est vraiment toute la communauté artistique de Québec qui se mobilise pour donner un coup de pouce aux étudiants. Ouais, vraiment, vous aurez reconnu les noms, là, c'est ça, c'est tous les centres d'art, toutes les institutions artistiques autour, là, vraiment nous ont soutenus dans le processus. Ouais. Et si on parlait d'art un peu, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des aperçus de qu'est-ce qu'on va retrouver? Par exemple, Anne, c'est quoi que tu vas présenter, toi, comme œuvre dans cette exposition-là? Mon côté, ça va être une installation. C'est la voie que prennent d'autres de mes collègues, mais il y a aussi de la peinture, des toiles, des tableaux, du dessin, de la sculpture, toutes sortes de projections, beaucoup de projections. Puis il y a probablement même des projets dont j'ai pas encore idée, parce qu'on est tellement occupés, tellement chacun de notre côté à mettre la touche finale à notre projet. Il y a des décisions qui se prennent encore aujourd'hui sur l'orientation que prennent nos choses. Donc ça va être plein de surprises, même pour moi. Donc un peu de peinture fraîche aussi. Oui. Et puis en tant que conseillère, commissaire, comment avez-vous travaillé à réfléchir la mise en espace d'un ensemble qui est somme toute assez été Héraclite. Oui, ben en fait c'est sûr qu'on s'est pas limité là à créer un parcours qui serait, tu sais, avec une logistique derrière, disons la première œuvre, la deuxième œuvre, tout ça. Ça prenait quelque chose de très ouvert. Donc au départ on avait créé un plan qui avait aussi beaucoup d'espace entre les œuvres. Faut dire que justement les finissants présentent en général plus qu'une œuvre ou sinon des installations assez monumentales. Donc il y a vraiment une très grande diversité. Donc on a pris le parti en fait qu'il n'y aurait pas vraiment de suite logique, mais on a fait attention à mettre ensemble ou côte à côte des projets qui avaient peut-être un petit lien esthétique ou dans l'ambiance ou le sujet, sans non plus être trop similaire pour pas qu'il y ait de confusion à dire, bon, est-ce que c'est le même artiste ou pas, mais c'est pas vraiment quelque chose qui se posait comme problème parce que les pratiques sont assez bien définies. Je pense qu'il y a déjà évidemment une signature là à chaque finissant là qui présente ses œuvres. Ben oui, j'imagine. Donc c'est sur deux étages. Andréane Lesage avec Suzy Dufour. Tu me disais aussi avant l'émission que vous avez proposé un plan, mais que il y a des divergences, ben pas des divergences, des différences qui se sont installées. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça a évolué, cette mise en espace là? Oui, ben en fait nous on a suggéré une première disposition des œuvres, puis le but évidemment est que ça vienne de l'extérieur, parce que je pense que comme finissants qui connaissent d'ailleurs mieux que nous les espaces puisqu'ils les habitent là, pendant leur cursus scolaire, des fois il y a comme des préférences qu'on peut avoir parce qu'on a déjà présenté par exemple notre projet dans cette salle de cours là, on a visuellement une meilleure idée de comment ça aurait l'air là. Alors quelqu'un peut nous proposer quelque chose de différent, puis ça va aussi amener quelque chose d'intéressant dans certains cas. Sauf que ce qui s'est produit, comme Anne le mentionnait, il y a encore des projets qui sont en évolution. Donc, c'est certain qu'on a eu des petits retours, dire, bon, finalement, moi, j'aimerais bien présenter à tel endroit ou j'échangerais ma place avec telle personne. Et au final, en fait, je pense que ça a beaucoup bonifié le premier plan qu'on avait soumis parce que c'est des artistes bien accomplis déjà et qui justement ont une bonne vision puis de leur travail là, qui se fait aussi encore en ce moment. Nous, on est un peu à distance de tout ça. On voit pas les derniers changements là, donc mais tout ça m'a l'air très très cohérent aussi avec la première proposition qu'on avait fait et comme je disais encore mieux. Donc, probablement, comme disait Anne, les œuvres sont encore à évoluer. Donc, il risque encore d'y avoir quelques changements. Donc là, on va commencer le montage très bientôt. C'est commencé. Ouais, donc là, on est en plein montage. Et quelles seront les dates de l'exposition en tant que telle, le vernissage? L'exposition se tient du 17 au 27 mai. Le vernissage est le 17 mai au soir en formule 5 à 7 qui va sûrement déborder. Hein? Donc jusqu'au 27 mai pour aller voir cette belle exposition là. On parlait aussi de l'organisation. Donc j'imagine qu'il y a plusieurs comités qui se sont formés. Toi Anne, de quel comité tu faisais partie dans l'organisation? Moi je me suis impliquée dans la gestion d'espace. C'était un comité où on a mis en fait tout ce qui concernait justement le côté menuiserie qu'il y avait à faire de construire les murs. Moi aussi j'étais en communication avec les commissaires, puis ça faisait partie de gestion de l'espace. Personnellement, c'est là que je me suis impliquée, mais il y avait aussi les communications, le comité de catalogue, puis il y a des comités qui concernent uniquement l'événement de vernissage, parce que vraiment c'est quelque chose à organiser aussi en soi là. Et puis il y a un pré-vernissage pour les médias, c'est ça que tu mentionnais tout à l'heure. Oui. Donc vous avez fait quand même un bon travail de relations de presse. Je pense qu'on peut être fier de ça, ça se passe bien, puis on reçoit là, justement des nouvelles de différents médias là, qui viennent d'avoir notre communiqué, puis Et vous avez produit un catalogue, on en parlait tout à l'heure, un catalogue qui est disponible, là je l'ai vu sur le site internet. On peut peut-être parler du site internet, donc www.artcore2018.com. Et ce catalogue-là, il va également être disponible en version papier. Donc, de quelle manière on va pouvoir se le procurer, ce catalogue? Ça va être vraiment à partir du vernissage, sur place à l'exposition, puis auprès des finissants. Là, je vous disais justement qu'il y a des petits détails qui se décident à la dernière minute. On ne sait même pas encore le prix, je peux pas vous dire, mais il devrait avoir suffisamment de copies pour tous ceux qui voudraient en avoir un papier. Mais sinon, il est effectivement disponible en PDF sur notre site à artcore2018.com. Et un très beau catalogue. Donc, pour se donner un avant-goût de l'exposition, on peut aller jeter un œil sur ce catalogue. Donc on parlait tout à l'heure, Anne Plourde, de tout le travail de photo, de mise en page. Ça, c'est tous les étudiants qui ont fait ça, là. Oui, ben là, il y a quelqu'un qui était désigné pour prendre les photos pour qu'il y ait quand même une uniformité. Mais sinon, chacun écrivait son propre texte de démarche. On fournissait nos propres photos qu'on voulait voir associées avec notre texte. Il y a eu du travail d'un graphisme, qu'on a engagé une graphiste. Puis, ça a tout été mis ensemble par le comité catalogue. Donc, un très beau visuel hein, dont tu parlais tout à l'heure, donc la table de travail qui devient une trame de fond, quasiment une œuvre de All Over qu'on pourrait croire des années 50-60, pour faire un clin d'œil à Pollock. Cette exposition du 17 au 27 mai, Artcore, des finissants, finissantes du baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval. Donc, le vernissage, est-ce que tu peux nous rappeler la date du vernissage? Le 17 mai, dès 5h au 295 Boulevard Charest, La Fabrique. Donc, on invite les auditeurs, les auditrices à se joindre aux finissants pour découvrir l'art nouveau de la ville de Québec. Pas l'art nouveau dans le sens du mouvement, mais dans le sens de la nouveauté. Je vous remercie beaucoup, à Andréanne Lesage, Anne Plourde. Merci. Et nous, on va partir pour une courte pause audio. Et au retour de la pause, je m'entretiens avec Olivier Moisan Dufour. Alors, de retour à l'aérospatiale, Gentiane Lafrance, toujours avec vous en studio. J'ai Olivier Moisan Dufour, bonsoir. Bonsoir. Donc, Olivier, oui, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Donc, tu es étudiant à la maîtrise et tu présentes une exposition qu'on pourrait appeler pop-up. Oui. Donc, qui va durer quelques jours au roulement à billes. C'est une initiative personnelle. Oui, exactement. C'est une initiative que j'ai pris. En fait, je suis un des seuls qui a pris cette initiative-là cette année, mais je pense que c'est quelque chose qu'on veut renouveler là, pour que la galerie soit plus active, là, puis qu'il y ait plus de vernissages qui se passent, plus d'expositions qui se passent. Dans ce lieu-là. Et qu'est-ce qui t'a amené à dire, bon, je fais une exposition? Est-ce que c'était plus pour montrer un moment dans l'expérimentation ou tu avais le sentiment d'avoir comme complété quelque chose puis que tu avais quelque chose d'un peu plus fini à montrer? En fait, c'est la première année, donc je voulais en fait, conclure ma première année avec une exposition. Puis c'est sûr que je pense que mon travail a quand même atteint un certain... je pense que j'ai conclu un cycle, comme je l'appelle, un cycle de production. Puis là, je veux passer d'autre chose, mais tout de même, je voudrais présenter ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, c'est une façon de ponctuer un peu, de franchir une étape dans ce cheminement qui est la maîtrise. Ouais. Donc, tu as complété également un bac en arts visuels auparavant. Tu as eu une pratique qui était plus pictural avant, je crois. Fait beaucoup de peinture, j'ai fait de la murale, j'ai fait du graphe. Puis là, je suis plus dans la sculpture, mais aussi dans la représentation. Donc, je lâche pas la peinture, mais j'ai un volet plus sculptural qui prend de la place là, dans mon travail. Puis, il y a un croisement également entre la sculpture et la peinture, parce que tu appliques des couleurs directement sur les sculptures. Ouais. Comment tu réfléchis ce croisement-là entre la couleur, la tridimensionnalité, la peinture, la sculpture? Ben, j'accorde une grande importance, en fait, à la couleur. Mais là, c'est sûr que en sculpture, c'est un travail pictural qui vient s'apposer sur une structure en 3D. Donc, ça l'ouvre plein de possibilités que je trouve vraiment intéressantes. Puis c'est pour ça, en fait, que je commence à jouer avec la couleur. Là. Au début, j'ai fait des sculptures très complexes avec plein d'angles puis plein de formes pour me créer un défi en peinture, justement, comme tu l'as dit. Mais là, en fait, j'essaie de simplifier peut-être mes structures pour que la couleur agisse davantage. J'essaie différentes choses là, avec la couleur. Ben oui, on expérimente, on fait de l'art. Et puis, dans cette exposition-là qui va débuter vendredi, donc je ne l'ai pas nommée encore, je m'en excuse, oui. Portrait d'objets abstraits, oui. qu'est-ce qu'on va voir dans cette expo? Beaucoup de peinture, beaucoup de sculpture, un petit peu de peinture. J'ai environ 7-8 tableaux, puis un petit peu plus là, de sculpture de grand format, des petits formats mélangés. Et il va y avoir, est-ce que je me trompe, mais j'ai lu dans le communiqué de presse, il va y avoir de l'animation 3D? Non, pas 3D. Image par image, oui, pardon. Oui, c'est ça. Je fais de la substitution de forme, du stop motion avec ces sculptures-là que je mets dans un espace. Donc, je filme les détails, je les filme qui tournent, donc j'essaie de leur donner un petit peu de vie. Puis donc, est-ce qu'elles sont leur portrait, mais... articulées en quelque sorte, non, ou c'est plus le déplacement de la caméra? Le déplacement de la caméra et le déplacement de la structure, de la sculpture. Donc, c'est une espèce d'étude de comment on regarde la sculpture à partir de l'image filmée oui, ou de exactement. L'image photographique. C'est un portrait en 360 degrés, je pourrais dire. Là. Souvent, je vois vraiment dans les détails. Je fais le tour de la sculpture, je le mets en mouvement. Donc, c'est juste une autre façon pour moi de présenter... représenter ces sculptures-là. Donc, on est dans une espèce d'étude de la représentation. Oui, exactement. Et t'as mentionné tout à l'heure que t'avais je sais pas si tu l'as encore, une pratique de graffiti. Je faisais plus de la murale, en fait, plus que j'ai fait du graphe environ 10 ans. Donc, je pense que la sculpture me donne... l'opportunité de concrétiser les formes que je pouvais faire en graphe, Mais je vais faire des murs encore, là, je fais de la murale, mais pas autant qu'avant, en fait. Vu que je fais d'autres choses, c'est comme si le graphe a pris un... Oui, on se concentre des fois sur un aspect de notre pratique, ouais, ou plus, exact, sur un autre. Mais il y a quand même une influence... Est-ce que tu dirais qu'il y a une influence du graffiti dans ta pratique sculpturale? Oui, je pense que mes sculptures, en fait, c'est peut-être la matérialisation des dessins que je faisais. Donc, ouais, donc, je pense que c'est la suite des choses. Hein, une espèce de recherche de tridimensionnalité que tu allais chercher, ouais, dans tes murales, que tu réussis à concrétiser dans le réel, en quelque sorte? Oui, je pense que dans mon lettrage, je jouais justement avec ces espèces d'effets de 3D-là, mm-hmm, qui étaient propices à mettre en sculpture. Donc, pour moi, c'était juste un autre plaisir, finalement, de transposer ces dessins-là, mais en sculpture. Et donc, le plaisir, ça va être également le vernissage. C'est vendredi, oui, à partir de quelle heure? De 5h jusqu'à 11h environ. Et on peut aller voir l'exposition au Roulement à billes. Et c'est du 11 au 15. Oui, exactement. Donc, samedi à mardi, je vais être ouvert de midi à 5h. Puis... j'invite le public à venir me rencontrer. Oui, on invite les auditeurs. C'est une rencontre, en fait, l'exposition. C'est... Oui, donc on invite les auditeurs et les auditrices à aller voir cette exposition-là au Roulement à billes. Merci beaucoup, Olivier Moisan-Dufour. Merci, s'il vous plaît. Donc, on part en pause publicitaire et au retour, je m'entretiens avec Gabriel Bélanger. C'est KRL. À Québec. Est-ce que vous ne m'aimez pas? Non, pas plus que de raison. On a juré que vous étiez presque malade d'amour pour moi. Et moi, on m'a juré que vous étiez à peu près mort d'amour pour moi. Il n'en est rien. Ainsi, vous ne m'aimez pas? Pas autrement, en vérité, qu'une amicale sympathie. Silence. Je vous ferme la bouche par un baiser. Ah! Les finissants du Conservatoire d'art dramatique de Québec présentent « Beaucoup de bruit pour rien » de William Shakespeare dans une mise en scène de Maxime Robin au Théâtre du Conservatoire du 6 au 11 mai. Réservation nécessaire au 418-643-9833. Le Festival d'été de Québec, du 5 au 15 juillet, vous propose vos artistes favoris, ceux que vous entendez sur nos ondes. Maud Audet, Chris Michaud, Pierre-Hervé Goulet, Ponctuation, À la claire ensemble, Angel Forest, Danny Placard, Lou Adrian Cassidy, Matt Olubowski et The Joannes. Découvrez toute la programmation au infofestival.com. Dernière chance d'acheter votre laissez-passer au coût de 100 $. 110 $ à partir du 5 juin. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Coors Light. Alors, de retour à l'aérospatiale, toujours Jean-Tienne Lafrance avec vous au micro ce soir à l'animation. Et j'ai en studio avec moi Gabriel Bélanger, bonsoir. Bonsoir. Et Cynthia, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Donc, Gabriel Bélanger, tu présentes un projet dans la galerie de Pêche Sherpa, donc un projet qui s'appelle Nuit. Donc, un projet dans lequel tu as travaillé avec des travailleuses du sexe pour réaliser des œuvres d'art qui sont présentées dans la galerie. Donc, avant de commencer un peu l'entrevue, Gabrielle, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta pratique qui est à cheval entre l'art et une approche qui est plus sociale, qui est plus communautaire? Oui. Dans le fond, c'est ça. Moi, je m'insère tout le temps dans une communauté, en fait, pour créer. C'est ma façon de le point de départ de mes œuvres. Donc, pour ce projet-là, je me suis approchée de Projet Lune. Projet Lune est un organisme qui travaille avec des travailleurs du sexe et des ex-travailleurs du sexe. Donc, j'ai proposé le projet là, au comité de travail. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner voix, en fait. Ma matière première devient... les personnes que je rencontre m'inspirent. À partir de ce qu'ils ont à dire, je construis des œuvres, des concepts. Puis, on explore la matière ensemble. Donc, pour ce projet-là, par exemple, on a exploré la sérigraphie, le dessin, le cyanotype. On a fait des ateliers de danse contemporaine. Certaines femmes sont allées en massothérapie aussi. Donc, ça nous permet d'avoir encore plus de matériel dans l'exploration pour créer des œuvres. Et l'idée, c'est de vraiment donner voix. Donc, c'est une espèce de phase exploratoire et ensuite, on est dans la réalisation. Oui. Et Cynthia, toi, tu es une des participantes au projet. Il y avait 7 participantes, oui. Je crois. Donc, qui sont toutes membres de ce projet-là, Lune. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en profondeur de qu'est-ce que c'est ce projet Lune? Le projet Lune, c'est plusieurs axes. Le premier, c'est un hébergement pour les femmes travailleuses du sexe ou non, toute personne qui s'identifie comme une femme. Il y a le centre d'hébergement avec des pères aidantes et des intervenantes. Moi, je suis pères aidante. Moi, je suis avec le comité de travail qui est plus pour faire de la représentation dans les écoles, information auprès du public pour démystifier, informer. Aussi, il y a des travailleuses de rue qui travaillent plus dans le centre-ville, qui vont faire de l'aide là, de première ligne, ne serait-ce que de l'écoute, de l'accompagnement, donner des brosses à dents, des shampoings, des trucs de base d'hygiène. Ça ressemble un petit peu à ça. Oui. Et j'ai vu également, là, je suis allée voir l'exposition et j'ai vu, et vous avez une publication, ça s'appelle « Les voix de la ruelle », c'est oui, ça? Oui, ça c'est le comité de travail qui publie quelques fois par année là, avec les membres de Lune. Donc, des travailleuses du sexe, des anciennes travailleuses oui. du sexe qui travaillent ensemble pour améliorer la vie de ces femmes-là. Exactement. Gabrielle Bélanger, d'où t'es venue cette idée de travailler avec le projet Lune? L'année passée, je me suis intéressée... mais moi, j'ai une double formation. Hein. J'ai une formation de travail social et d'artiste. L'année passée, j'ai travaillé avec les itinérants de Revivre, de la Maison Revivre à Québec. Oui, c'est souvent. Oui, fait que c'était vraiment comme plonger dans le visage masculin de la rue. Puis, j'avais envie de voir le pendant féminin, en fait, de la rue. Ça pouvait être quoi? Mais tout l'aspect de la... féminité, je suis féministe aussi, la sexualité, le rapport au corps, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup dans ma pratique. Donc, le sujet était là pour moi, on dirait. Et Cynthia, quand Gabrielle vous a approché Lune pour proposer ce projet-là, comment ça a été accueilli? En fait, moi, j'étais pas présente là, quand elle a parlé avec la coordonnatrice. Oui. Mais quand elle est arrivée dans notre groupe, on était vraiment un petit peu dans l'inconnu parce qu'on n'est pas des artistes, on savait pas où ça allait nous mener. Mais on a tout de suite été contentes de participer là pour faire ce projet-là. Puis Gabrielle est vraiment facile d'approche, très ouverte, donc ça a été très bien accueilli. Surtout elle. Je me rappelle la première fois que j'ai présenté le projet, puis Cynthia me disait « Ouais, mais là, c'est stressant, il va y avoir une exposition. » Puis tu sais, c'est comme si on y croyait pas vraiment. Puis finalement, on est vraiment dedans, là, puis c'est wow. Donc, si on s'attarde plus aux différentes étapes qui ont mené à cette exposition-là qui est présentée à Pêche Sherpa. Donc, Gabrielle Bélanger, tu parlais qu'au début, c'est plus une espèce de phase exploratoire. Donc, tu amènes les participantes à toucher à plein de médiums, c'est ça? Ben, en fait, la première étape, c'est vraiment faire partie d'eux. Donc, de vraiment m'insérer dans leur milieu. Donc, j'ai fait partie du comité de travail comme comme les autres femmes, dans le fond. À chaque semaine, on se rencontrait, on s'impliquait. Bon, pour le journal, par exemple, on avait divers tâches. Donc, je faisais vraiment partie d'eux. Puis, rapidement, je les ai interpellées une à une pour aller prendre des cafés. Donc, on allait prendre un café par-ci, par-là. Puis, moi, l'exercice que j'ai comme mis en place dans ce cadre-là, c'est vraiment... bon, c'était un peu le jeu des questions, là, je disais. C'était un peu de chacune, notre tour, on se posait une question. Puis l'idée, c'était d'être capable de mettre ses limites aussi. Donc, on répond si on a le goût de répondre. Si on n'a pas le goût de répondre, on ne répond pas. Donc, c'était un bel exercice pour apprendre à se connaître puis d'être vraiment dans la prise de position personnelle aussi. Donc, les femmes se sont tellement livrées à moi. Des fois, on s'est vu une fois, deux fois, trois fois. Donc, ça a été vraiment la première phase. Au bout de cette phase-là, j'ai fait des propositions parce que j'ai comme un peu... regrouper ce que chacune avait envie de dire, puis voir qu'est-ce qui se recoupe, en fait, qu'est-ce qui représente l'ensemble des femmes, finalement. Et puis là, j'ai fait des propositions artistiques d'installation, finalement, selon les propos que je voulais faire ressortir. Puis après ça, est venue la phase, donc, d'atelier, où là, on explorait différents médiums. On était vraiment plus dans le concret. Puis après ça, il y a une troisième phase, plus de production, où on a travaillé vraiment... j'ai travaillé avec chaque femme en individuel, en fait, pour faire chacune sa vitrine. Et il y a une œuvre collaborative aussi. Donc, on est allé chez Engram, par exemple. Chacune des femmes est venue avec moi chez Engram. On se retrouvait dans un café pour travailler à telle partie du projet ou à l'une pour faire tel autre truc. Donc, voilà. Et Cynthia, toi, comment se sont passées ces rencontres-là avec Gabriel Bélanger? Qu'est-ce qui en est ressorti de d'idée de départ pour un projet artistique, par exemple? Elle a nous expliqué un petit peu sa vision sur le mm-hmm. Red Light d'Amsterdam. Oui. C'était son projet de départ. Qu'elle voulait faire ça sur le thème de la nuit. Puis à partir de là, elle nous laissait vraiment parler, ouvrir nos idées. Puis il y a des choses qui, elle, ça la touchait plus. Par exemple, moi, je faisais des affiches là, avec plus en lien avec la rue puis la revendication. Puis ensemble, vraiment, c'est une collaboration là, que chacune de nos idées qu'on a mises en commun. Mm-hmm. Mm. Cynthia présente, dans le fond, une photo d'une rue qui est significative pour elle. On a travaillé des textes qu'on a mis en relief sur cette rue-là, sur cette photo-là. C'est il y a aussi dans la vitrine, là, en sérigraphie... une phrase, je suis travailleuse du sexe, donc qui met en relief aussi le propos. Donc, c'est des cyanotypes, oui, c'est ça? Donc, d'une rue toujours. Et puis, c'est un peu comme un poème, il y a la répétition du moi aussi, moi aussi qui est très significatif mm-hmm. en ce moment, parce que c'est devenu un mot-clic, parce que c'est devenu, ouais. C'est devenu quelque chose. Qui a fait émerger beaucoup d'éveil féministe. Comment tu as travaillé ce moi aussi là? Cynthia, est-ce que tu as eu 1000 idées puis t'en as sélectionné quelques-unes, ou c'était vraiment des idées très très importantes qui te sont venues? Est-ce que tu peux les nommer d'abord, parce que bon, c'est pas tout le monde qui est allé voir l'exposition, ouais. là. J'ai été à l'université, oui. J'ai une famille, mm-hmm. J'ai des émotions, je ressens la douleur. Mon Dieu, le dernier... J'ai le droit de dire non. C'est ça, mm-hmm. tout à fait, oui. Il y en avait plus que ça au départ, mais c'était les plus importantes qu'on voulait garder pour l'espace qu'on avait. Puis vraiment rappeler avec le thème de moi aussi, c'est Gabrielle qui me l'a amené, qu'on est aussi des femmes puis qu'on a autant de droits que les autres d'exister puis d'être respectées. Et donc, c'est aussi une façon de se révéler soi aussi. On parle d'un moi. Oui. C'est à la base, c'est moi l'exemple. Mm-hmm. Mais comme je voulais inclure toutes les femmes, c'est pour ça que c'est des énoncés qui sont généraux quand même. Mm-hmm. Donc, on va prendre une petite pause audio et au retour de la pause, on va continuer cette entrevue avec Gabriel Bélanger et Cynthia à propos de l'exposition Nuit qui est cours à Pêche Sherpa. « Donc, j'ai toujours avec moi en studio Gabrielle Bélanger. Et Gabrielle Bélanger, qui est une artiste sociale qui présente le projet Nuit, j'ai mal pris mes notes, à Pêche Sherpa, en collaboration avec le projet Lune. Et Cynthia, qui est en studio avec nous aussi, qui est une des participantes du projet Lune. Donc, on disait que c'est un projet, une espèce de collectif de travailleuses du sexe et anciennes travailleuses du sexe. Et Gabrielle Bélanger, tu as fait un projet de médiation culturelle de co-création. Et moi, j'avais envie de te demander, Cynthia, comment ce projet-là que Gabrielle Bélanger vous a proposé et qu'elle vous a accompagné, comment ça a fait une différence dans vos vies? Quel effet ça a eu sur les participantes, les 7 participantes du projet? Je pense qu'en général, on peut dire la libération de certaines tristesses, des difficultés qu'on a vécues. Ça nous a permis de mettre ça de côté puis de regarder en avant. Donc, il y a quelque chose de l'espoir. Oui, du pardon aussi. Du pardon. Oui. Donc, il y a vraiment un travail, là, je vais utiliser des gros mots, là, de catharsis. Donc, un travail de cheminement psychologique à quelque part. Là, qui énorme. Ouais, oui, du début à la fin. Là. Juste quand on commence à parler avec Gabrielle, qu'on parle de nos vies, ça nous ramène à l'arrière. Donc, une très grande différence qu'on sent dans l'émotion de ta voix, Cynthia, c'est très, très beau. Et donc, ce projet Nuit qui est présenté à Pêche Sherpa, il faut dire que la galerie de Pêche Sherpa est principalement dans la vitrine et un peu aussi dans l'espace de vie au rez-de-chaussée. Gabrielle Bélanger, est-ce que tu peux nous parler un peu comment ça se présente, ce projet-là, concrètement? Oui, bien, c'est sûr, quand j'ai vu la vitrine de Sherpa, j'ai eu tout de suite le flash du Red Light. Du Red Light d'Amsterdam. voilà, fait que j'avais cette idée-là, mais j'avais pas envie... rapidement, je me suis rendu compte que le besoin, c'était pas de présenter le corps. T'sais, on voulait aller ailleurs. Puis j'ai eu envie de donner voix, carrément, donc de leur donner une vitrine pour qu'elles disent ce qu'elles portaient, ce qu'elles avaient envie de dire, ce dont elles avaient envie de se libérer aussi. Donc, c'est des trucs très personnels qu'elles nous offrent. Donc, chacune a sa vitrine. La vitrine est vraiment divisée là, en différentes sections, différentes teintes de bleu aussi. Puis, chacune propose soit un propos parfois qui est social ou une réalité qui est très personnelle qu'elle avait envie de mettre en lumière, en fait. Oui, parce qu'on passe justement du projet de Cynthia où c'est « moi aussi, je suis allée à l'université, moi aussi, j'ai le droit de dire non » à un autre projet où on évoque des femmes disparues ou à un autre projet où ce sont des fils, des clochettes qui sont suspendues. Mm-hmm. Donc, on est dans différentes sensibilités, dans différents questionnements qui vont dans plein de directions, mais qui partent toutes aussi de même type de réalité. Et il y a ce bleu que tu as évoqué, un bleu qui vient donner aussi une uniformité au projet. Et bon, on parle de red light, pourquoi pas le rouge, pourquoi le bleu? Mm-hmm. Et un très beau bleu aussi, par ailleurs, une espèce de bleu cobalt très profond, qui est très, très doux. D'où est venu ce choix de couleur? Ouais. Ben, je dirais qu'il y a de la douceur, là, vraiment, dans le bleu, comme tu le nommes. J'avais envie que ça baume un peu, que ça soit un baume un peu sur cette réalité-là. J'avais pas envie d'aller dans le rouge. Puis, moi, je fais beaucoup de cyanotypes, donc c'est sûr que le bleu du cyanotype est toujours présent, donc c'est un point de départ. Puis, l'aspect vraiment serein du bleu, en fait, qui j'avais envie que ça soit une vitrine autrement, donc. Puis, je voulais dire aussi que cette vitrine-là s'appelle « J'aurais voulu crier, je suis quelqu'un moi aussi ». Puis c'est vraiment une phrase d'une femme, qu'une femme m'a dit, en fait, durant le projet. Puis je trouvais que ça rassemblait vraiment le propos, en fait, de cette vitrine-là, puis de toutes les femmes, en fait, de juste faire comme « j'existe, puis j'ai quelque chose à dire moi aussi ». Oui, d'être considérée comme une personne vraiment, à part entière. Tout à fait. Un autre volet de l'exposition est présenté à l'intérieur. Oui. C'est un lit, des draps rouges avec des sérigraphies, des textes sérigraphiés. Est-ce que c'est une œuvre collective qui a été faite avec tout le groupe de femmes? Oui, c'est ça, dans le fond. Chaque femme... en fait, l'idée, c'était de parler de cette tension-là qui existe entre la sexualité intimité et la sexualité travail. Et on parlait de sexualité nécessairement dans ce lit-là, donc c'est pour ça le choix du rouge. Chaque femme avait un drap, était associée à un drap, puis écrivait en forme de sa silhouette à elle un texte sur cette tension-là qui existe. Puis il y avait beaucoup aussi dans les propos des femmes l'angoisse nocturne sur le thème de la nuit, l'insomnie, tout ça. Donc sur les oreillers, c'est plutôt des textes qui parlent de ça, donc de l'insomnie, de la difficulté à dormir, des préoccupations de la nuit finalement. Donc, quelque chose qui vient rassembler toutes ces pensées qu'on peut pas contrôler la nuit aussi. Il y a quelque chose de ça, de ces textes, parce que, bon, on peut pas les lire au complet, les draps sont défaits. Cette tension-là qui, entre une intimité qui nous appartient et le travail du sexe, c'est quelque chose qui est commun aussi à toutes les travailleuses du sexe. Est-ce que c'était difficile d'avoir de développer une pratique artistique avec ces enjeux-là qui sont très profondément enfouis, Cynthia? Ben, pas vraiment pour moi. C'était plus... c'était même facile parce que c'était émotif, puis dans l'art, on peut vraiment évacuer, finalement. Donc une façon de libérer des émotions, de libérer des pensées, de libérer des choses enfouies, des choses dont on veut se débarrasser aussi. Donc, c'est présenté jusqu'à quand, cette exposition-là? Au 27 juin. Jusqu'au 27 juin. Donc, visible jour et nuit de l'extérieur. Tout à fait. Une très belle expérience aussi avec notre reflet qui se superpose avec ces œuvres-là. Et les heures d'ouverture, là, pour pouvoir accéder à l'intérieur, je pense que c'est de 8h30 à 4h à peu près, du lundi au vendredi. Donc, et puis c'est important aussi de faire le pas et d'entrer à l'intérieur, de voir ce lit-là, mais il y a également une œuvre dont on n'a pas parlé, mais avec les diapositives qu'on peut visionner. Donc, on est encore une fois dans une présentation très intime du corps, avec, bon, on évoque le peep show et tous ces univers-là qui appartiennent à la vie des travailleuses du sexe. Donc, merci beaucoup, Gabrielle Bélanger. Merci beaucoup, Cynthia, d'être venue parler de cette exposition-là avec moi en studio. Nous, on part pour une prose audio et au retour de la pause, je vous parle de ce qui se passe dans le monde des arts visuels à Québec cette semaine. Donc, j'avais pas pris le temps de vous présenter la sélection audio de Simon Roy. Donc, cette semaine, c'est le projet Radio One, qui est un projet musical d'un programmateur de radio espagnol. Donc, un programmateur de radio comme Tania Beaumont peut l'être ici, par exemple. Donc, on trempe dans une, comme vous l'avez remarqué, dans une musique shoegaze, électro, post-rock et pop, avec une influence des années 80 qui est quand même assez bien sentie. Donc, c'était l'album Der Mann, Der das Radio erfand. Et la pièce qu'on vient d'entendre, c'était un extrait de Radioland. Donc, pour ce qui est de ce qui se passe dans le monde des arts visuels à Québec cette semaine, alors demain, mercredi le 9 mai, il va y avoir aux ateliers de la Mezzanine des Animés 3, donc qui est une soirée de projection qui dévoile le fruit du travail qui est réalisé dans le cadre de l'atelier de création de GIF animé qui était donné au cours de l'hiver. Donc, il va y avoir également un encan de GIF animé, donc c'est organisé par Folie Culture pour nommer les artistes là, qui ont réalisé des GIFs. Denis Bello, Jean-François Brochu, Alexandre Demar, Thérèse Guy, Francine Labrie, Michel Vigé, et Marc-Émile Vigneault. Jeudi, il va y avoir l'exposition Exploration de dessin qui est en cours, mais il va y avoir le vernissage, donc une exposition qui est présentée à la salle d'exposition du pavillon Desjardins de l'Université Laval. Vernissage à partir de 18h. C'est une exposition qui rassemble les dessins de Jasmine Etier, qui est bachelière en design, et de Michel Gagnon et Gabriel Lapointe, qui sont tous deux étudiants en arts visuels à l'Université Laval. Vendredi, à partir de 17h30, il va y avoir le vernissage à la Galerie 3 de Claudie Gagnon qui présente l'exposition Contrefaçon. Donc, l'artiste bien connu de Québec va présenter pour la première fois une exposition individuelle en galerie privée. Donc, ça va être un événement à ne pas manquer. Également, on en parlait tout à l'heure, ça va être le vernissage de l'exposition d'Olivier Moisan Dufour aux ateliers du roulement à billes. Donc, le roulement à billes, qu'est-ce que c'est? Des fois, on en parle ici à l'aérospatiale, mais on l'explique pas. C'est les lieux où se trouvent les ateliers des étudiants à la maîtrise en arts visuels, et c'est au tout 336 Sainte-Hélène, tout près de l'école d'art de la Fabrique, là. Et du côté de Vue, il va y avoir le lancement du livre « Autre vie, Afterlife ». C'est à partir de 18h. Donc, « Autre vie, Afterlife », c'est le plus récent livre de la collection de Vue, donc qui édite depuis quelques années des livres photographiques. Donc, ça fait suite à l'exposition du même nom que le centre avait présenté l'an dernier, je crois. Donc, à partir de 18h à Vue dans Méduse. Et cette semaine, il ne faut pas manquer, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est la dernière semaine pour aller au Musée national des Beaux-Arts du Québec pour voir l'exposition Giacometti. Le musée est exceptionnellement ouvert les mercredis, jeudis et vendredis jusqu'à 21h pour accueillir les foules de visiteurs de dernière semaine d'exposition. Et c'est également la dernière semaine pour aller voir les expositions de Lucie Rocher et Simon M. Bénédicte a vu encore, donc on pourrait en profiter pour faire en deux en un vendredi pour le lancement du livre. C'est ainsi que se termine cette émission de l'aérospatiale. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Si vous avez manqué l'émission ou vous voulez la rattraper, vous pouvez aller sur notre blog pour l'écouter, donc au l'aérospatialecrl.wordpress.com. J'aimerais faire un grand merci à mes invités, Andréane Lesage, Anne Plourde, Olivier Moisan Dufour, Gabriel Bélanger et son invité Cynthia. J'en profite pour saluer et remercier ma collègue Audrey Caro, que vous allez retrouver à l'animation mardi prochain. Et la mise en onde de cette émission est assurée par Jacques Gignac, le Giacometti de la console cette semaine. C'est de circonstances. Donc, restez à l'écoute de CKRL 89.1. Après la pause, c'est l'émission Situation critique avec Pierre Blais et son équipe qui vont parler cinéma en direct de la Ninkasi. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. 89.1. Amateurs de musique et de disques vinyles, le Knockout, l'autre disquaire, fête ses 5 ans d'existence. Pour célébrer ce moment important et discuter musique, CKRL sera sur place pour une émission spéciale le samedi 12 mai de 15h30 à 17h, animée par Jean-Claude Anto. Profitez aussi des nombreux rabais toute la journée. En PM, DJ set de François Gariepi et Jean-Claude Anto, prestations gratuites de Kit Kuna et Margaret Tracteur et gâteau de fête. Wouhou!